Ce soir, c'est classe verte. On s'est plié en quatre pour vous mettre au vert. Certes, c'est en se hissant sur les épaules de géants, verts, mais en troquant à leur vertueux mais abscon jargonnage le langage vert qui fait notre réputation. Préparez-vous à en découvrir des vertes et des pas mûres dans cette émission particulièrement colorée. Nous sommes le mercredi 13 octobre 2021 et vous écoutez l'épisode 457 de Podcast Science. 1, 2, 3, feu vert, c'est parti! Et ce soir, autour de notre table virtuelle, nous aurons, depuis les vertes contrées normandes, Cléora. Yes, salut à tous. Au diable vos verres en Alsace, nous avons Pascal à la technique. Salut tout le monde. Et dans la ville vert de gris, les Parisiens, Johan. Salut. Et moi-même, Topo, qui anime ce soir l'émission. Et au menu de ce soir, nous aurons plusieurs chroniques. Une chronique que je vous présenterai sur les souris vertes. Une chronique de Cléora sur des oiseaux aliens verts. Est-ce qu'on peut dévoiler de quels oiseaux il s'agit ou... Ouais, les perruches à collier, si tu veux. Très bien. Et nous aurons probablement trois chroniques enregistrées. Une chronique de Johan sur les étoiles vertes, une chronique d'Eléa sur l'absinthe et une chronique d'Alexa sur les minerais verts. Et on va commencer tout de suite par ma propre chronique sur le thème donc général de l'émission qui est le vert et qui s'intitule « Une souris verte ». Pour mes 40 ans, j'ai eu le plaisir de visionner un montage vidéo de plein d'amis et membres de ma famille qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire tout en célébrant ce qui fait un peu ma marque de fabrique, ma quête incessante d'animaux bizarres et surprenants. J'ai pu y découvrir les contributions de certains membres de l'équipe de Podcast Science, ça m'a bien fait plaisir, des mockumentaires sur le Dahu ou encore cette fantastique comptine interprétée par ma maman et accompagnée par mon père au piano. Une souris verte qui courait dans l'herbe, Pierre l'attrape par la peau, il la montre à son labo, ses collègues lui disent, trempe-la dans l'huile, trempe-la dans l'eau, ça fera un escargot, touchant, pam pam pam. Voilà, donc vous imaginez bien mon émotion, cela m'a transporté dans une nostalgie enfantine, et notamment ça m'a remémoré l'immense perplexité dans laquelle les paroles de la comptine originelle me plongeaient. Bah, ça existe une souris verte? Pourquoi elle se transforme en escargot? Et pourquoi il y a des messieurs qu'on connaît pas là, qui nous disent de la tremper dans de l'huile et dans de l'eau? Alors bien m'en fasse hein, de n'avoir pas été trop curieux à l'époque, car à en croire certaines interprétations, cette comptine pourrait cacher en réalité une sombre histoire métaphorique à base de torture. Comme nous l'explique Manon Bril ou encore Code Mu, la souris verte pourrait désigner en réalité des révoltés vendéens, souvent de verts vêtus, qui, s'ils étaient capturés par des républicains en 1793, étaient sommairement torturés avec, par exemple, des bains d'huile et d'eau brûlante. C'est génial comme comptine. Je vous laisse le soin également de déduire par quels véritables membres on les conduisait à la torture. Alors toujours est-il qu'il me semblait opportun pour cette nouvelle émission colorée de Podcast Science, et après avoir investigué la crédibilité d'une peau saphir et celle d'un lait couleur rubis, de mener l'enquête sur la vraisemblance d'un pelage couleur émeraude. En d'autres termes, est-ce qu'une souris verte, ça peut exister ? Premier réflexe donc, compulser les registres zoologiques concernant les rongeurs. Eh bien, à défaut de trouver une description d'une véritable souris verte, j'ai déniché dans de vieux carnets naturalistes plusieurs rongeurs, dont la description comprend une mention d'un pelage vert comme Funisurius caruterci, l'écureuil vert de montagne du Caruter, ou encore Paraxerus poensis, l'écureuil de brousse du Fernando Po. Et pour ce dernier, c'est le zoologiste Andrew Smith qui a décrit cet écureuil de brousse qu'il a trouvé sur le Fernando Po, c'est une île de Guinée équatoriale, connue sous le nom de Bioko, aujourd'hui. Et en effet, dans un recueil scientifique d'Afrique du Sud, il précise que cet écureuil répond aux critères suivants. Couleur de surface des parties supérieures et latérales de la tête, du cou et du corps, et des faces externes des extrémités, d'un vert jaune librement crayonné de noir, particulièrement sur le dos. Alors je suis donc allé vérifier par moi-même les quelques clichés glanés sur Internet, et ça laisse un tout petit peu sur la faim. En plissant les yeux, hein, on peut imaginer que le pelage de ces écureuils tire sur le vert kaki très pâle, mais c'est loin d'être évident. Maintenant, si on étend notre recherche à d'autres mammifères, et non plus seulement les rongeurs, on pourra citer de la même manière le phalangé vert à queue zébrée, Pseudochirops archeri, qui est un marsupial au pelage avec quelques reflets olivâtres. Enfin, nous pourrions citer certains singes grivets, dont les noms vernaculaires et scientifiques annoncent les couleurs, si vous me permettez l'expression. En effet, le vervet, bah, c'est un singe grivet, dont le nom serait une contraction choisie par Cuvier de vert grivet, qui se réfère à la couleur de son pelage. Ça, c'est précisé par le nom latin de cette espèce, Chlorocebus pigeritrus, dont l'étymologie grecque est chloros, vert pâle, kébos, singe à longue queue, Puget, popotin, et Érythros, rouge. Donc, le singe vert à longue queue et aux fesses rouges. Et bien, curieusement, ce sont plutôt les testicules bleus des mâles que de cette espèce qui auront retenu mon attention lors de ma chronique pour l'épisode bleu de Podcast Science. Mais regardez plus près, pour toutes ces espèces, et bien, le poil n'est pas véritablement vert. Et c'est l'apparence du pelage qui vient en fait d'un mélange de fines bandes alternées de poils argentés, jaune et noir. En fait, c'est une sorte d'illusion de couleur, de la même manière que les écrans de vos ordinateurs peuvent simuler des millions de couleurs à partir de pixels avec uniquement trois couleurs fondamentales. Ce qui nous amène à préciser notre quête. Existe-t-il véritablement des mammifères dont le pelage est vert du fait d'un pigment de cette couleur ? Alors on pourrait penser que la réponse est simple, en s'appuyant sur le fait que le poil des mammifères accumule une coloration à partir de l'action d'une cellule pigmentaire, la cellule qu'on appelle le mélanocyte, capable d'accumuler uniquement deux formes de pigments appelées mélanines. Le mélanine, dont la couleur est le noir-brun, et la phéomélanine, qui tire plutôt sur le rouge-jaune. Avec ces deux pigments, vous pouvez obtenir plein de couleurs, hein, du orange, du jaune, du marron, du noir, mais impossible qu'un mélange de ces deux pigments donne du vert. Mais alors attendez, rien ne nous dit cependant que le pigment de la souris verte de la comptine est accumulé par la souris elle-même. Et ainsi énoncé, la question du pelage vert des mammifères nous permet de rechercher des cas d'animaux qui pratiquent la teinture de leur fourrure. Ainsi, nous pourrions évoquer le cas d'un chat de gouttière complètement vert observé en 2014 dans les rues de Varna, en Bulgarie. Ce chat avait pris l'habitude de réaliser des siestes dans un garage abandonné où l'ancien propriétaire stockait des sacs de poudre de peinture vert. Lorsque finalement des habitants de son quartier ont réussi à l'attraper, ils ont pu le nettoyer et éliminer une grande partie de sa teinture. Je pourrais vous citer également des cas de chiens peints en vert, mais ne nous égarons pas. Ce qui nous intéresse ici, ce sont des souris retrouvées teintes en verte. Et pour le coup, certaines observations de souris peintes en vert ne sont pas le fait d'incidents fortuits, mais de véritables protocoles scientifiques très sérieux. En effet, il y a une équipe d'épidémiologistes américains qui a, il y a peu de temps, mené une étude sur le comportement de souris sylvestres qu'ils ont recouvert d'une poudre de talc de différentes couleurs fluorescentes, dont le vert. Ça pouvait être du bleu, du rouge, du vert. Et ces chercheurs les ont laissés ensuite s'échapper dans la nature, ainsi grimés, et aussi équipés de transmetteurs radio, pour ensuite analyser leurs mouvements et les interactions avec d'autres membres de leurs espèces. L'observation de traces de poudre sur les blessures ou les parties génitales de leurs congénères a permis d'obtenir des infos épidémiologiques cruciales sur la transmission de certains antivirus, des virus qui se transmettent par contact direct entre individus dans des populations de rongeurs. Une de leurs conclusions est que ce sont les individus vieux et gros qui sont les vecteurs les plus efficaces de cette classe de virus. Alors je vous vois, hein, vert de rage, me menacer d'une volée de bois vert car ces exemples sont bien trop artificiels. Vous vous attendiez plutôt à ce que je vous décrive des animaux qui naissent tout verts. Eh bien, si je n'ai malheureusement pas d'exemple de souris naturellement née verte, les exemples abondent lorsqu'on considère les chiens. Comme nous l'apprend Bernard Valeur sur son blog Question de couleur, plusieurs cas de chiots nés verts ont été rapportés depuis des décennies. Le dernier cas en date est celui d'un chiot, Labrador, né l'année passée en Sardaigne et surnommé Pistacchio du fait de son pelage vert doré. Mais on pourrait aussi citer des cas au Royaume-Uni en 2012 et en 2017, en Espagne en juin 2014, en Écosse en juillet 2017 ou dans le Colorado aux États-Unis en octobre 2019 avec des chiots surnommés Hulk ou encore Fifi en hommage à la princesse Fiona dans Shrek qui est, elle aussi, née toute verte. Alors pour tous ces exemples, les chiots ont recouvré un pelage de couleur normale au bout d'une semaine ou deux. Et il y a à l'heure actuelle deux explications qui ont été proposées par les experts pour nous éclairer sur ces phénomènes mystérieux. Mais toutes les deux impliquent le même pigment, la biliverdine. Comme Claire nous l'expliquait dans son épisode sur les couleurs du caca, l'hémoglobine qui donne la couleur rouge à nos globules, lorsqu'elle est dégradée, se transforme en biliverdine, donnant une couleur verte. Puis en bilirubine, plutôt jaune foncé, jusqu'à aboutir, après moult péripéties, à la stercobiline, qui est, pour citer Claire, le pigment marron responsable de la couleur de nos étrons. Or, la biliverdine chez les chiens peuvent s'accumuler dans deux endroits propices à la coloration du pelage des chiots dans le ventre de leur mère. Tout d'abord dans le méconium, c'est-à-dire du caca fœtal, ou bien dans le placenta. En effet, il y a une publication qui remonte aux années 30 et qui avait déjà caractérisé un pigment vert, alors surnommé utéroverdine, dans le placenta des chiens. Alors qu'il s'agisse donc de biliverdine d'origine scatologique ou gynécologique, un rare épanchement de biliverdine dans le liquide amniotique peut entraîner une coloration du pelage des chiots. Il existe d'autres types de teintures naturelles qui concernent cette fois-ci des mammifères adultes qui, à bien des égards, ont la main verte. C'est qu'il s'agit cette fois-ci de cultures d'algues qui peuvent colorer le poil de certains animaux semi-aquatiques, comme des phoques ou encore des ours polaires. Il semble que les premiers témoignages d'ours polaires verts remontent aux années 70 et auraient été accompagnés d'un scepticisme digne d'un témoignage concernant les petits hommes verts. Jusqu'à ce que des observations similaires soient faites dans certains zoos, à peu près au même moment qu'un ours polaire sauvage couleur jade ait été enfin capturé. Pour comprendre le phénomène, il a fallu s'intéresser au pelage particulier de ces ours. Contre-intuitivement, leur poil n'est pas rempli d'un pigment blanc, mais en réalité totalement transparent. Si vous rasez un ours polaire, d'ailleurs, vous serez surpris de découvrir qu'il possède une peau grise tirant sur le noir. Ce sont ces poils transparents qui, par absorption et diffraction de la lumière, donnent une apparence immaculée aux ours polaires de plein jour, bien qu'ils apparaîtront rougeâtres ou gris dans d'autres conditions météorologiques. Pour être plus précis, les ours sont recouverts de deux sortes de poils qui leur confèrent une isolation thermique particulièrement efficace. Des poils fins et courts et des poils longs et creux. Et c'est justement dans la cavité de ces longs poils que peuvent, dans certaines conditions, s'abriter des algues. Ces conditions sont rarement signes de bonne santé, notamment dans les eaux où l'on pense que les frottements répétés des ours contre les surfaces bétonnées favorisent la prolifération de ces algues. Et on imagine peu comment un pelage vert peut offrir un quelconque avantage lorsqu'on vit et chasse sur la banquise. Pourtant, il existe un autre groupe de mammifères qui abritent des algues dans leurs poils, mais cette fois-ci avec un potentiel bénéfice pour l'hôte. Ce sont les paresseux. Les paresseux regroupent aujourd'hui 6 espèces qui se distinguent par le nombre de leurs vertèbres cervicales et le nombre de doigts de leurs pattes antérieures, soit 2, soit 3. Donc, si sur la bannière de mon blog Strange Stuff and Funky Things, vous cliquez sur le personnage du paresseux, après avoir découvert les 3 messages interprétés par Blast de la chaîne Les Sondiers, vous êtes transporté vers une page vous apportant quelques informations sur ces sympathiques bestiaux d'Amérique centrale et du Sud. Vous pouvez y apprendre notamment que le pelage de ces animaux est très particulier, à commencer par la manière dont ils poussent des extrémités vers le tronc, plutôt que l'inverse observé chez l'essentiel des mammifères. Mais la structure individuelle de leur poil est également caractéristique, car particulièrement craquelée et striée de cannelures dont on suppose l'importance pour la culture d'algues. En effet, de nombreux paresseux paraissent verts anis car ils leur poussent sur les poils différentes espèces d'organismes photosynthétiques tels que des cyanobactéries ou des algues unicellulaires dont la plus célèbre, Trichophilus welkeri, est une espèce semblant n'avoir été trouvée que dans les fourrures de paresseux, d'où l'étymologie de leur nom signifiant « amatrice de poils » en grec. Et ne croyez pas que les paresseux au pelage brun soient pour autant dépourvus de leur flore capillaire. La plupart de ces algues sont capables d'entrer dans un état de latence lorsque l'humidité vient à manquer, et peuvent reverdir en quelques dizaines de secondes après humectage. Mais les algues ne sont pas les seuls organismes qui pullulent sur la toison de ces paisibles habitants de Canopée, car on peut y trouver des champignons, des moustiques, des tiques, des cafards, des coléoptères et surtout des papillons spécifiques du genre Cryptoses. Cela amène de nombreux scientifiques à considérer des paresseux comme de véritables écosystèmes mobiles, des sortes d'îlots de biodiversité capables de se déplacer. Bien sûr, on pourrait argumenter que presque tous les animaux qui sont dotés d'un tube digestif sont en soi des écosystèmes mobiles. Mais ici, le pelage du paresseux en fait un cas à part du fait que l'écosystème se trouve exposé à l'air libre. Le fonctionnement de cet écosystème est encore peu étudié, mais des scientifiques pensent avoir récemment fait le lien entre plusieurs protagonistes, les algues, les papillons Cryptoses et les paresseux, et une habitude peu compréhensible des paresseux, celle de déféquer sur le sol plutôt que depuis la cime des arbres. Alors, plusieurs hypothèses existent pour tenter d'expliquer ces voyages scatologiques hebdomadaires des branches vers le sol. Éviter d'attirer les prédateurs, mais ceux-ci peuvent également attaquer les paresseux dans les arbres, si ce n'est qu'il semble quand même que près de la moitié des attaques se font au sol. Parmi les hypothèses, il y a aussi fertiliser le sol sur lequel poussent leurs arbres favoris, communiquer avec des congénères à travers des phéromones, profiter de ces voyages pour grailler un petit peu de terre, ce qui pourrait avoir des vertus bénéfiques pour le système digestif, ou encore entretenir un mutualisme entre algues et papillons. Et c'est cette dernière hypothèse qui a fait l'objet d'une publication dans le journal Proceedings of the Royal Society B en 2014, où des chercheurs américains pensent avoir montré un avantage de la croissance des algues sur la survie des paresseux, croissance ne pouvant avoir lieu, selon eux, sans un apport crucial des papillons. Je m'explique. La présence d'algues vertes sur le pelage des paresseux peut potentiellement avoir plusieurs avantages, comme par exemple le camouflage, ils sont dans la canopée, pendant les arbres verts, ça paraît assez vraisemblable, mais il y a aussi d'autres hypothèses qui ne sont pas nécessairement conflictuelles les unes avec les autres, comme par exemple l'isolation thermique, l'amélioration du système immunitaire ou de la flore microbienne intestinale, la protection contre les UV, ou enfin un apport nutritif. Et ces chercheurs, ayant détecté des algues et des poils dans le système digestif de certains paresseux, pensent que celles-ci peuvent avoir apporté un complément alimentaire indispensable à la survie de ces mammifères qui ne mangent au final que des feuilles par ailleurs et qui sont complètement dépourvus de nutriments faciles à assimiler. Les papillons, quant à eux, semblent trouver sous forme adulte une source de protection dans le pelage des paresseux. Mais c'est surtout leurs larves, qui sont coprophages, ça veut dire qu'elles mangent du caca, qui vont trouver un avantage important dans la cohabitation avec leurs hôtes indolents. À chaque séjour dans les latrines, les femelles papillons pondent leurs œufs dans les crottes des paresseux, et après éclosion, les larves tissent des sortes de hamacs de soie et dévorent le caca. Et les algues dans tout ça, elles pourraient quant à elles bénéficier des déjections riches en composés azotés et phosphorés des papillons sur les poils, un véritable engrais algal. Donc certes, le scénario est séduisant, mais de nombreuses études complémentaires sont à fournir pour le confirmer. Mais alors, là on a parlé des paresseux depuis tout à l'heure, pour jauger la vraisemblance de l'existence d'une souris verte, on a évoqué des pigments verts pouvant avoir été soit saupoudrés artificiellement ou naturellement sur des rongeurs. Mais au final, pourquoi ces adorables petites boules de poils ne pourraient pas tout simplement émettre de la lumière verte ? Des souris qui brillent vert, est-ce que ça peut exister ? Eh bien oui, depuis 1995, des souris vertes fluorescentes peuplent les laboratoires à travers le monde. Pour réaliser ce prodige, il a fallu d'abord isoler une molécule fluorescente verte, la protéine GFP, à partir des tissus d'une méduse portant le nom d'Aecora victoria. C'est le biologiste Osamu Shimomura qui a découvert, extrait et étudié les propriétés de cette molécule, ce qui lui a d'ailleurs valu le prix Nobel de chimie en 2008, avec deux autres collègues qui, eux, se sont plutôt penchés vers l'exploitation de cette protéine pour réaliser des expériences, notamment des expériences en transgénèse, le fait de prendre un gène d'un organisme pour le transplanter chez un autre organisme. En effet, il est possible d'isoler le gène de méduse qui permet la fabrication de la GFP, donc cette Green Fluorescent Protein, pour ensuite l'insérer dans le génome d'autres organismes, comme par exemple celui d'une souris. Eh bien, en 1995, des équipes canadiennes et japonaises ont réussi cet exploit pour obtenir des lignées de souris accumulant la protéine fluorescente dans tout le corps. Alors malheureusement, à l'exception notable des poils, Ce qui fait que, exposés au rayonnement ultraviolet, les souriceaux de cette lignée brillent d'un vert fantomatique, mais cette lumière verte est rapidement cachée par le pelage lorsque les souris grandissent. Il a fallu notamment attendre l'obtention d'une lignée transgénique de souris glabre pour que le résultat soit particulièrement efficace et probant. Les applications de ce genre d'expérience sont très nombreuses, notamment pour permettre de suivre des cellules particulières lors du développement ou du fonctionnement normal de ces animaux de laboratoire. Ceci étant dit, il y a certaines compagnies qui ont également vu un potentiel commercial dans ces lignées de souris, comme la compagnie Neomice, ou Neon Mice, pardon, qui, pour accumuler masse de billets verts, vendait en 2009 des souris vertes et rouges fluorescentes. Inutile de composer un numéro vert pour venir en aide à ces pauvres souris, la compagnie ne semblant plus aujourd'hui en activité. Alors, encore une fois, je vous livre un exemple totalement artificiel et vous seriez en droit de vous demander si des exemples de souris vertes fluorescentes existent dans la nature. Eh bien, sachez que le doute est permis, car depuis quelques années, les observations de mammifères fluorescents semblent se multiplier. Cela a commencé par la découverte récente que le pelage de plusieurs espèces d'écureuils volants, les polatouches, lorsqu'ils étaient illuminés à la lumière ultraviolette, brillait en rose. Un comble lorsqu'on sait que le nom latin du genre des polatouches, c'est glaucomys, qui signifie en grec « souris grise ». Mais les polatouches sont loin d'être les seuls à posséder un pelage fluorescent. Ils rejoignent le club très sélect des opossums, qui brillent en rose-pourpre et violet, des lièvres sauteurs, qui fluorescent en rose-orange, pour finir avec nos fameux ornithorynques, qui, eux, brillent en vert. Alors, à défaut d'une souris qui brille naturellement en vert, nous aurions des créatures camoulox, vertes, fluorescentes, mi-ragondins, mi-canards. Ça ferait une comptine encore plus what the fuck, c'est certain, mais qui sait, peut-être qu'une véritable souris naturellement verte attend d'être découverte. Mais plutôt que de continuer à vous en faire voir des vertes et des pas mûres, si j'ai votre feu vert, pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs, je prends congé et pars me mettre au vert. Merci. Les trucs des paresseux, c'est incroyable ça. Le truc de, d'un cycle de caca, là, c'est rigolo. C'est un peu difficile de faire le tri de ce qui est vraiment, qui fait un consensus scientifique de ce qui est pour l'instant sous forme d'hypothèse. Au début, moi, j'étais parti vraiment pour présenter cet article de 2014 où ils sont formels, voilà comment ça marche, etc. Ouais. Et en fait, là, il y a très très peu de temps, il y a un article de 2021 qui revient sur ces hypothèses en disant qu'il y a quand même pas mal... C'est du caca de... Non, c'est pas du caca, mais il y a encore pas mal d'expériences à fournir avant d'être certain qu'il y ait cette relation particulière entre algues, papillons et paresseux. Et du coup, moi, j'avais des questions, enfin une question à la fin sur les animaux qui sont fluorescents, là. Ouais. C'est fréquent, c'est si fréquent que ça chez les mammifères, ça me paraît incroyable, en fait. En fait, les premières descriptions de ces animaux fluorescents, la réponse est non. Sur 4000 espèces de mammifères, pour l'instant, on en est à peu près une dizaine d'espèces qui ont été observées qui sont fluorescentes. Le truc, c'est que personne n'a pensé à le faire, à vérifier. C'est pas spontanément évident d'illuminer des organismes avec des lumières ultraviolettes dans la nature. Notamment parce que, en plus, la plupart de ces animaux sont nocturnes. C'est le cas pour l'ornithorynque, c'est le cas pour le polatouche, etc. Donc on a du mal un peu à comprendre pourquoi il y aurait cette fluorescence. Et on se demande si c'est pas un effet, tout simplement, de l'accumulation de certaines molécules qui leur sont bénéfiques et qui, par hasard, sont également fluorescentes. Toujours est-il que là, la plupart de ces découvertes, elles ont été faites dans des laboratoires et surtout dans des dépôts des collections naturalistes de certains muséums. Et des boîtes de nuit de lapins aussi. Alors ça, moins bizarrement, parce que c'est très sélect, hein. Il faut vraiment être un chaud lapin pour pouvoir entrer. Et les chercheurs, c'est connu, ne sont pas souvent de chaud lapins. Donc. toujours est-il que, moi, aussitôt que j'ai vu l'annonce de cette découverte, je me suis emparé d'une lampe UV et je suis rentré dans les collections de l'université pour voir s'il n'y avait pas une découverte à faire, parce que vraiment, ça a l'air d'être genre le truc auquel personne n'avait pensé, quoi. Et donc, ce que tu dis, c'est que c'est pas encore sûr si c'est. Est-ce que c'est un truc qui vient de la même façon, par exemple, que les ailes de papillon? Est-ce que c'est un truc de texture ou est-ce que c'est un truc de molécule qui est dessus? Pour l'instant, de ce que j'ai compris, c'est que ce sont véritablement des molécules qui sont à l'intérieur des poils, puisqu'ils ont pu isoler les poils et les faire fluorescer. Et donc, c'est pas nécessairement la peau, mais c'est dans les poils. Après, je sais pas si c'est le... Ça c'est ce que j'avais vu pour les peaux à touche, mais je sais pas si c'est le cas pour tous. Ils sont en train de vérifier, notamment c'est plutôt fréquent chez les marsupiaux, et probablement aussi chez les monotrèmes, c'est-à-dire l'ornithorynque et les échidnés, qui sont leurs proches parents. Et donc, visiteur récurrent me demande, ça a donné quoi la lampe UV dans les collections? J'ai pas fait de découverte. Voilà, c'est triste à dire. Et d'ailleurs, notre ornithorynque empaillé de la collection ne fluorescait pas. Donc, à mon avis, c'est quelque chose pour lequel il doit y avoir une dégradation de ces molécules. Et donc, ce soit des spécimens qui sont très, très, très bien conservés, soit des spécimens frais sur lesquels on peut observer ces phénomènes de fluorescence. Et sur ces entrefaits, on va pouvoir passer à la fameuse chronique des osios de Cléora, qui va nous parler, donc, comme annoncé, des perruches à collier. C'est à toi. Oui, merci. Donc, aujourd'hui, petite chronique des osios colorés, tout en vert. On va parler d'un oiseau donc, qui, pour les occidentaux, vient d'ailleurs. Un oiseau tout vert, un alien de nos contrées, littéralement. Je vous présente donc la perruche à collier, de son nom latin, Psittacula crameri. Psittacula voulant dire perruche, ou plus particulièrement perroquet, mais là on va pas faire la différence, sinon on va partir pour un sacré débat. Disons que ça fait référence aux oiseaux colorés à bec crochu qui savent imiter notre parler. Et crameri, donc Psittacula crameri, qui fait référence à un naturaliste allemand du XVIIIe siècle, un certain Wilhelm Cramer. Aujourd'hui, cette perruche toute verte pullule en nombre dans nos villes. Pourquoi? Parce que l'être humain en a laissé échapper quelques-uns. Et puis, comme elles s'y sont plus et se sont installées sur nos contrées. Et pas qu'un peu, hein. On parle par exemple de 87 000 individus en Europe. France, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, Italie, Espagne et j'en passe. Tout le monde est touché, hein. Donc on a même l'Iran, l'Australie, les États-Unis, Singapour ou le Japon, toutes les grandes villes. À l'origine, cette perruche verte vient d'Afrique et d'Asie, plus particulièrement d'Afrique subsaharienne, du Sénégal au Centrafrique en passant par le Ghana, le Togo, le Bénin, etc. Ça c'est du côté africain, mais aussi donc côté de l'Asie, grossièrement c'est toute l'Inde. Et puis on pourrait aussi décrire qu'il y a 4 sous-espèces à différencier, mais là on va pas s'en soucier. Pour vous représenter visuellement la perruche à collier, donc elle est toute verte, de la tête aux pieds, et pas un vert foncé, un bon vert clair, presque fluoré, qu'on pourrait l'imaginer pour n'importe quel perroquet coloré. Son bec est rouge pétant en plus, le pourtour de ses yeux aussi, et enfin le mâle a la gorge noire qui s'étale en un fin collier autour du cou. Donc un collier noir, donc doublé d'un léger collier rose. Donc c'est pour ses couleurs vives et sa curiosité d'imiter les sons humains que cette perruche est arrivée sur nos contrées. L'humain le voulait comme animal de compagnie, et il le veut toujours d'ailleurs, comme bon nombre de perruches et perroquets. Un marché qui, d'après quelques articles, vaut des milliers de milliards de dollars, de Singapour au Qatar. Par année, ce serait environ 4 millions de perroquets déportés de leur milieu naturel, ce qui représenterait donc, d'après eux, 2/3 des perroquets du monde. Ce qui est pas rien. Donc au milieu de tous ces convois, pas étonnant qu'il y en ait un ou deux qui s'échappent pour de nouveaux espaces à coloniser. Parmi toutes ces espèces, donc la perruche à collier est celle qui s'est le plus rapidement éparpillée. Sur Paris, la première sortie viendrait d'Orly, donc en 1974, qu'on en parlait déjà un peu dans la chatroom, et rebelote dans les années 90, sans compter les accidents d'oiseaux libérés ici et là par je ne sais qui. Du côté de Bruxelles, bien qu'il y ait eu des rapports de l'espèce qui soient vus en 1966, on garde en tête l'événement de 40 individus échappés du zoo de Bruxelles en 1974. Coïncidence, 1974, colonisation à la fois de Paris et Bruxelles la même année. Donc je pose la question, y aura-t-il un complot de perruches et perroquets? À voir. Donc sur Paris ou Bruxelles, d'une cinquantaine échappées, on est donc arrivé à des milliers aujourd'hui. Alors ouais, c'est sûr. Dans les villes, où il n'y a que des pigeons gris ou des moineaux marrons, voir un tel oiseau exotique coloré, ça peut faire rêver. Mais, en plus d'être particulièrement bruyant, c'est qu'il est en train de pulluler. Il y en a de plus en plus. En Île-de-France, autour de Paris donc, on en comptait un peu plus de 1000 en 2008, 2700 en 2012, 3000 en 2013, à plus de 5000 en 2016, et aujourd'hui, on en dénombrerait près de 8000, tout comme autour de Bruxelles d'ailleurs. Même phénomène dans de nombreuses villes européennes. Donc Londres, on est presque même sur des dizaines de milliers d'individus. J'ai lu qu'on serait presque vers les 30 000. À Lille aussi, on en a quelques milliers. On a Nancy, Toulouse, Roubaix, Le Havre ou Marseille. Bref, beaucoup de grandes villes. Et ces aires de répartition commencent à s'étaler au-delà des villes même. De Paris, par exemple, l'oiseau est allé à se nicher au fin fond de l'Oise. On parle alors d'invasive alien species, ou bien d'une espèce exotique envahissante. Espèce dite alien, donc, parce qu'elle vient d'ailleurs. Donc, exotique, dans le sens d'espèce exogène, d'espèce étrangère par rapport à l'environnement. Local, en tout cas. On parle de population férale, pour les grands mots qu'on peut dire. Pour décrire ce genre d'êtres vivants qui, normalement, vivent en captivité, mais sont introduits dans la nature artificiellement. Donc, de population férale. Donc, si vous voulez en voir, donc, des perruches à collier, au lieu de s'en doter un pour quelques dollars, ou d'aller en Inde ou en Afrique subsaharienne, il suffit d'aller à la ville la plus grosse, la plus proche, en train et puis de traîner dans les bars. Enfin, plutôt de traîner dans les parcs, hein, dans les parcs et les jardins. Tant qu'il y a des arbres, et puis visez aussi les lieux où il peut y avoir des mangeoires. Ou bien les gros platanes. Suffit aussi de tendre l'oreille, hein. Ils font un sacré boucan. Je sais pas si les Parisiens parmi nous, ou parmi nos auditeurs le savent, mais ils font du sacré boucan, même le matin, avec des sortes de kia, kia, ki, ki, ki, un truc comme ça. Je sais pas si dans l'équipe, les Parisiens, ah, ça va. C'est parfait. C'est vraiment pile poil ça. Incroyable. On s'y croirait. Donc, il suffit de te balader dans Paris, dans les parcs, à 6h du mat, essayez, vous êtes en forêt tropicale. Pas de problème. Donc on a rapidement évoqué ce qu'est être exotique, du coup, mais qu'est-ce qu'être envahissant pour une espèce animale? Genre, elle prend toute la place? Bah ouais, c'est un peu l'idée. Même si le terme envahissant peut porter à confusion, car si on devait décrire l'espèce animale la plus envahissante, on pourrait parler que ce serait peut-être l'Homo sapiens. On définit grossièrement donc une espèce exotique envahissante, toute espèce provenant d'ailleurs, qui prend place dans un environnement dont il n'est pas issu. L'exemple typique qu'on connaît en France métropolitaine, c'est le frelon asiatique. L'espèce, donc envahissante, participe à la lutte pour la nourriture et la lutte pour un territoire. Elle occupe donc une place qui n'était pas le cas avant, au point d'être en compétition avec d'autres espèces locales. Donc c'est de ça quand on parle d'espèces exotiques envahissantes. Et l'inquiétude est que cette espèce, en fait, exotique, puisse prendre à la fois l'habitat et la nourriture d'une espèce déjà locale, de prendre la place de la niche écologique au point de faire disparaître l'espèce locale. Un exemple, celui de l'écrevisse locale à pattes blanches, qui perd du terrain face à l'écrevisse de Louisiane. Je vais vous renvoyer à une vidéo de Marie Wilde sur YouTube qui est vachement bien faite dessus, dans les notes d'émission. Donc en effet, les espèces exotiques envahissantes sont un des plus importants facteurs contre la biodiversité, aux côtés du réchauffement climatique et de la pollution. Cléora, il y avait une question justement de Barenzia qui me semble est intéressante de mettre en ce moment. Est-ce que ce serait une ESOD, c'est-à-dire ESOD, espèce susceptible d'occasionner des dégâts? Ça me dit rien du tout, ESOD. Tu connais ESOD? Je sais bien. Moi, non. Non. Mais je vais en parler après, comme quoi ça peut causer des dégâts un tout petit peu. Enfin, non seulement peut-être environnemental, mais aussi au niveau économique, en fait. Parfait. Bah, je te laisse continuer. Donc, les espèces exotiques envahissantes sont un des plus importants facteurs contre la biodiversité, aux côtés même des facteurs du réchauffement climatique et la pollution. Donc, la question, c'est, et si c'était le cas avec la perruche à collier, la perruche verte? Et si elle prenait la place d'autres espèces au point de les éradiquer, les espèces locales? Aura-t-on un jour en ville que des oiseaux tout verts à la place des pigeons, des moineaux? Ce serait ça le greenwashing, finalement? On remplace tous nos oiseaux par des perruches vertes? En fait, toutes ces questions sont étudiées dans plusieurs villes européennes. Donc, je vais évoquer ici juste des études suivies sur plusieurs années sur Paris et Bruxelles. Donc, d'abord, comment on observe la place prise par les perruches à collier au quotidien parmi l'environnement? Bah, on regarde où elles nichent. Et on dénombre les sites de reproduction sur plusieurs années. On note aussi si ce sont des sites normalement prisés par d'autres espèces, d'autres animaux, On regarde aussi comment perruches et autres oiseaux se comportent autour des sources de nourriture, notamment surtout autour des mangeoires. Ouais, les mangeoires, c'est leur principale source de nourriture à nos perruches pour l'instant. Autour de celles-ci, donc autour des mangeoires, si une perruche arrive, bah les oiseaux présents n'ont qu'à se pousser. Une perruche à collier, ça fait 40 cm de long. Mes rangées moineaux sont autour de 15 à 20 cm grand max. Donc si on met ça à notre échelle, c'est comme si vous mangiez à un restaurant à une table tranquillement, et que tout à coup, quelqu'un de 4 mètres de haut, tout vert, baraqué, comme 4 fois votre poids, arrivait à votre table en vous demandant de lui laisser votre place. Genre, vous mangez tranquillement et un géant vert, un Hulk vert, débarque en face de vous, affamé. Vous faites quoi? Vous restez ou vous courez? Bah, les petits oiseaux, eux, préfèrent s'envoler et attendre leur tour sur une branche aux alentours. Sur toutes les interactions interespèces avec les perruches à collier, la majorité se limite à cela, c'est-à-dire une gêne pendant la nourriture, car le Hulk vert s'impose. Et si les petits oiseaux s'interposent, bah là, les perruches parisiennes, car elles sont souvent plusieurs, elles sont jamais trop seules, gagnent dans plus de 75% des cas, dès qu'il y a une petite bataille entre oiseaux. Après, il faut toutefois souligner que ce comportement de compétition et de ce qu'on appelle de monopolisation de la nourriture est commun dans la nature. On retrouve ça dans chaque environnement entre différentes espèces animales. Ici, avant même que les perruches Hulk vert soient là, on avait déjà les gros pigeons, les imposantes tourterelles ou les agaçantes pies bavardes. Ces plus gros oiseaux embêtent tout autant les plus petits. Si ce n'est que, en citant l'équipe scientifique parisienne, la gêne que la perruche à collier occasionne est significativement plus longue que la gêne causée par les autres espèces, c'est-à-dire que la gêne causée par les tourterelles, pies bavardes et les pigeons. En clair, a priori, rien d'alarmant. La perruche à collier ne semble pas être une nuisance à la biodiversité, pour l'instant. Pas plus qu'un pigeon ou une tourterelle. L'espèce qui devrait être la plus impactée, selon les chercheurs de Paris, est l'étourneau sans sonnet, le fameux étourneau qui, tous ensemble, fait des nuées dans le ciel là. Car non seulement les étourneaux se nourrissent aux mêmes heures que les perruches à collier, mais en plus, elles ont les mêmes sites de reproduction, c'est-à-dire des cavités dans les arbres. Or, mis à part quelques interactions agressives plus intensives entre les deux espèces, donc entre perruches et étourneaux, aucune des données scientifiques ne montre jusqu'alors que les étourneaux soient significativement impactés par les perruches vertes. La seule espèce d'oiseau qui est légèrement impactée, mais de manière significative, c'est la citelle torche-peau. Et plus particulièrement sur les lieux de nidification, pas sur la compétition de nourriture. Donc la citelle torche-peau, c'est un petit oiseau commun d'Europe qui monte et descend le long des arbres sur les troncs, grâce à des petites pattes de compétition pour pouvoir s'agripper, au point donc qu'elle puisse pouvoir monter et descendre, donc elles peuvent monter la tête en haut directement et elles peuvent descendre directement la tête en bas, juste en s'accrochant avec leurs petites pattes. Donc elles, les citelles torche-peau, sont en compétition avec la perruche à collier, car toutes deux, et même pour les étourneaux sans sonnet, utilisent des cavités déjà formées dans les troncs des arbres pour nicher. La citelle torche-peau est d'ailleurs dite donc torche-peau, car elle fait de la maçonnerie. Elle torche quelque chose, en modifiant la taille de l'entrée de la cavité, de la cavité du tronc d'arbre, en y collant de la boue autour. Les perruches vertes font un peu pareil, mais elles, au lieu de réduire l'entrée de la cavité, elles ont plutôt tendance à l'élargir, à coup de bec ou à coup de patte. En plus de ça, citelle, torche-peau et perruche préfèrent tous deux des cavités assez élevées en altitude, à plus de 8 mètres de haut. Beaucoup de caractéristiques pour être en compétition, donc. Et puis encore, pour nos pauvres citelles locales, les perruches commencent à nicher vers fin février, alors que les citelles le font plus vers le mois d'avril. Alors autant que vous dire qu'à cette époque, au mois d'avril, les potentielles cavités pour nicher sont déjà prisées. Bon, et pour terminer, hein, je répète, une perruche est un Hulk vert face à une citelle torche-peau, hein, étant 4 fois plus imposant et 4 fois plus gros. Alors, il y a une question de Barenzia qui fait remarquer que dans certaines communes, il y a des fauconniers qui sont mandatés par la mairie pour chasser les pigeons. Est-ce que les faucons et autres rapaces des villes chassent aussi les perruches? Alors, je vais en parler juste après, enfin un peu près après, mais oui, déjà même naturellement. On a remarqué, là, j'ai lu un article tout récent, en fait, comme quoi les chouettes-ulottes et les éperviers d'Europe, donc des rapaces diurnes ou nocturnes, chassent déjà naturellement les perruches à collier. Donc, on a vu que, au niveau environnemental, ça aura un faible coût environnemental parce que ça pourrait gêner, soi-disant, un petit peu les citelles torche-peau au niveau de leur nidification. Un autre argument contre nos perruches vertes est qu'elles font voir rouge économiste et agriculteur. En fait, l'espèce aurait un coût économique qui s'élèverait à des milliers de milliards d'euros. Entre les infrastructures délabrées, donc comme on en a parlé un petit peu déjà, les maladies que l'espèce transmet, ainsi que les cultures ravagées. Oui, parce que pour l'instant, dans les pays colonisés, donc dans les pays occidentaux, la perruche à collier se limite aux villes à forte densité, les milieux urbains donc, notamment parce qu'il y fait plus chaud, que la nourriture est présente, les mangeoires, etc., et qu'il y ait pas mal de gros platanes avec des cavités pour pouvoir y nicher. Mais si un jour il n'y a plus de place pour y habiter, on peut craindre aussi que nos campagnes soient ravagées. C'est déjà le cas en fait en Allemagne, sur des pommiers, ou en Angleterre, sur les vignes et divers arbres fruités. Car là où elles sont d'origine, en fait, nos oiseaux Hulk, les perruches à collier, ravagent tout sur son passage. Elles deviennent des ogres, des Shrek. Que ce soit en Inde ou dans les pays africains, les perruches à collier cueillent eux-mêmes leurs fruits, ravagent les champs de tournesol et vident les champs de leur maïs. Un oiseau géant vert qui menace la marque géant vert de son maïs. Ainsi, cet oiseau bruyant venu d'ailleurs, a beau être exotique et vert, voire même végétarien et vegan, hein, en gros tout pour lui plaire, il peut être un véritable fléau, d'autant plus que c'est une espèce grégaire et sédentaire, capable de vivre plus d'une vingtaine d'hivers. Cette espèce de perruche pourrait, à terme, s'inquiètent certaines équipes de scientifiques et certains politiques, nous faire vivre une certaine misère si ils se mettent à ravager nos champs, etc. Certaines autorités même annoncent alors clairement vouloir les éradiquer au nom de la biodiversité. Ce fut le cas par exemple sur une des îles des Canaries. Apparues en 1997, 20 ans plus tard, les perruches ont été éradiquées, après avoir été chassées, attrapées grâce à des nichoirs ou des pièges à leurre. Un succès qui s'explique donc pour plusieurs choses. D'abord parce que les perruches se limitent à des zones restreintes, en plus d'être sur une île, donc ça aide. Pensez par exemple à l'espèce envahissante des frelons asiatiques qui s'est répandue partout en Europe, impossible maintenant de l'éradiquer. De plus, les procédures d'élimination des oiseaux donc sur l'île des Canaries intégraient aussi la population locale dans les processus, donc insistant sur l'importance de la procédure de devoir les éradiquer, ce qui limitait aussi les résistances sociales ou manifestations pro-animales notamment. Donc, il y a des mesures radicales qui ont été faites sur ces îles des Canaries. Alors que scientifiquement, hein, je répète, le coût environnemental est assez minime. C'est plutôt un coût économique qui est derrière. Seuls les citelles torchepots, et voire les chauves-souris, au niveau coût environnemental, en seraient légèrement impactés. En tout cas, de ce qu'on disent les articles scientifiques aujourd'hui. Notamment parce que les perruches, encore une fois, nichent, comme eux, dans des cavités au sein des arbres. En plus de ces moindres détails, et on le sait que depuis peu, donc je disais juste avant, les perruches à collier arrivent à bien être intégrées parmi la chaîne alimentaire et être elles-mêmes chassées par des prédateurs locaux. Donc sur Paris, on sait déjà que Chouette, Elliot et Pervier d'Europe se sont habitués déjà enfin je dis déjà, ça fait quand même déjà 30 ans qu'elles sont installées, plus de 30 ans qu'elles sont installées ces perruches là. Un article de août 2021 annonce que déjà, Épervier et Chouette-Hulotte, en gros, chassent ce gros oiseau vert venu d'ailleurs. Donc, morale de ma chronique, exotique et charismatique, c'est pas parce que c'est nouveau, tout beau et tout vert, que le monde s'en retrouvera d'un coup à l'envers. Oh là là, cette note poétique pour finir cette chronique. Magnifique, magnifique, Léora. Je regarde s'il y avait des questions, mais je pense les avoir fait toutes remonter progressivement. Il y a pas mal de gens qui trouvaient assez ironique le fait que ce soit dans les Canaries qu'on chasse des perruches. Voilà. C'est vrai que j'ai pas noté celle-là. Et pas, bon, tu t'en as fait quand même pas mal, hein, bravo. Ah ouais. Hein, franchement, là, t'as mis le paquet. Et bien donc, vas-y, Jo. De quelle couleur sont les étoiles? Donc, deux très beaux exemples d'étoiles de couleurs différentes, c'est les deux épaules du géant Orion. Je ne sais pas si vous sauriez reconnaître la constellation d'Orion. En fait, moi, généralement, je demande à Joanne de me dire ce que c'est des étoiles, donc tu peux me le dire. Donc, Orion, c'est cette grande constellation, visible en hiver, grosso modo de novembre à février, et en été dans l'hémisphère sud. Elle est assez caractéristique, avec trois étoiles alignées qui forment le baudrier d'Orion, et quatre étoiles en rectangle, deux au-dessus du baudrier, qui s'appellent Bételgeuse et Bellatrix, qui forment les épaules, et deux en dessous, Rigel et Saïf, qui forment les jambes. Et la, bien la prochaine fois que vous regarderez Orion, faites bien attention aux deux épaules, donc Bételgeuse et Bellatrix. Et si vous regardez attentivement, vous verrez que l'une est clairement rouge, celle de gauche, et l'autre est clairement bleue, celle de droite. C'est d'autant plus facile qu'elles sont très proches l'une de l'autre pour voir cette différence de couleur. Sinon, il y a aussi des étoiles blanches, comme le Soleil. En fait, elle est un peu jaune vue depuis la Terre, mais c'est à cause du passage dans l'atmosphère. Et alors, pourquoi ces couleurs ? Donc déjà, je l'ai rappelé à plusieurs reprises dans cette série sur les couleurs, mais les couleurs que nous voyons correspondent à des photons de différentes énergies. L'arc-en-ciel, c'est la dispersion de ces différents photons qui ne se comportent pas exactement de la même manière lors de la traversée de la goutte d'eau, ce qui nous permet de les observer. On a ainsi les photons les moins énergétiques, en rouge, puis on passe au jaune, puis au vert, qui sont les énergies du centre de notre bande de vision, là. Petite fenêtre dans laquelle on voit, et puis les plus énergétiques en bleu et en violet. Et c'est tout ? Bah non, en fait, car nos yeux sont assez limités, ça continue ensuite dans les ultraviolets. Et puis encore plus énergétiques que les ultraviolets, il y a les rayons X, et puis les rayons gamma, qui sont des photons extrêmement énergétiques, uniquement produits dans des réactions très violentes. Et en dessous du rouge, il y a aussi d'autres choses. Par ordre décroissant d'énergie, on a les infrarouges, puis les micro-ondes, et enfin les ondes radio. Et en fait, notre œil n'est capable de voir qu'une toute petite partie de la lumière qui est autour de nous. Imaginez que l'ensemble de la lumière, c'est un grand grand paysage, et que, en fait, notre perception est seulement une toute petite fenêtre, et que, du coup, on ne voit pas ce qu'il y a à gauche, on ne voit pas ce qu'il y a à droite, on ne voit pas les infrarouges, on ne voit pas les ultraviolets, on voit seulement une petite bande finie qui est, qui correspond à notre petite fenêtre, qui va du rouge au bleu, en passant par les couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant qu'on a un peu compris ce qu'est la couleur, on peut se demander comment les objets émettent de la lumière et de quelle couleur est-elle. Donc il y a trois phénomènes principaux qui permettent d'expliquer que la lumière parvienne d'un objet. La transmission, la réflexion et l'émission. Prenons une lampe avec un abat-jour dans une pièce, sans autre source. La transmission, c'est simple, c'est ce qui passe à travers l'abat-jour. La réflexion, c'est ce qui nous permet de voir tous les objets en fait. Si vous éteignez la lumière, il fait noir, quand vous allumez, on peut voir car la lumière de la lampe se réfléchit sur les objets, le plafond, les murs autour de vous. Donc la réflexion c'est ça, c'est ce qui se réfléchit sur le sol et qui revient vers vous. En pratique, la lumière de la plupart des objets autour de nous c'est de la réflexion. On voit le monde, grosso modo, en plein jour par la réflexion de la lumière du soleil et la nuit par la réflexion de la lumière électrique sur les objets autour de nous. Et donc il reste l'émission de lumière. Donc il peut y avoir plusieurs sources d'émission, par exemple la phosphorescente, la chimiluminescence ou la triboluminescence. Mais celle qui nous intéresse, c'est celle que fait les étoiles, le soleil et le filament d'une ampoule. Bon, alors souvent les objets qui émettent ne sont pas les seuls dans l'univers. Ils sont entourés d'objets qui émettent aussi et donc nos objets réfléchissent la lumière des autres objets autour d'eux. Mais imaginons, là on va s'intéresser uniquement à l'émission, pas de réflexion, imaginons un objet parfaitement absorbant. Un objet noir de chez noir. Aucune transmission, aucune réflexion, seulement de l'émission. Cet objet, on l'appelle le corps noir en physique. Et cet objet, quelle que soit sa constitution, son matériau, il va émettre la lumière d'une certaine couleur. Alors, déjà, vous pouvez m'arrêter là. Est-ce que ce corps noir, c'est un objet qui existe vraiment ou c'est juste une belle idée physique ? En fait, c'est un truc un peu théorique, mais on peut imaginer que si vous prenez un truc qui émet des millions de fois plus qu'il ne réfléchit, vous pouvez faire l'approximation qu'il réfléchit pas du tout, et on pourrait alors considérer, en bonne approximation, qu'il s'agit d'un corps noir. Donc l'un des premiers physiciens qui a étudié ce phénomène, le physicien allemand Wilhelm Wien, utilisait des fours dans lesquels il ouvrait des petits trous, et à l'intérieur, il faisait chauffer, il faisait brûler des choses. Et comme il y a un tout petit trou, en fait, il n'y avait pas vraiment de réflexion parce que la lumière qui rentrait dans ce petit trou, en fait, se réfléchissait et avait peu de chances de ressortir, se réfléchissait sur les parois du four et avait peu de chances de ressortir. Voilà. Donc ça, c'était son approximation du corps noir. Mais il y a aussi d'autres corps noirs. Ce sont les étoiles. Ce sont de très bons corps noirs. Un photon qui arrive sur une étoile, en fait, elle va être absorbée par l'étoile et va mettre des milliers d'années à ressortir. Et elle est tellement brillante, l'étoile, et absorbante qu'on peut considérer qu'en fait que toute la lumière qui en sort est uniquement produite par cette étoile et seulement par elle. Du coup, c'est toute la beauté un peu paradoxale du nom de ce concept. Les meilleurs corps noirs dans l'univers sont les étoiles, les objets qui sont pourtant les plus brillants autour de nous. Cette loi du corps, donc ce type d'objet, en fait, donc on sait, on a une loi physique qui nous permet de dire comment ça émet de la lumière en fonction de la couleur. Donc une belle loi avec des exponentielles, etc., qu'on découvre à la fin du 19e siècle. En fait, la loi du corps noir, tous les étudiants de physique la connaissent. C'est un peu le boss de fin de la physique classique. Avant, on arrivait à mesurer avec des fours et des petits trous, mais pas à l'expliquer théoriquement. Et toutes les preuves que l'on tentait avaient tendance à casser la physique. Ça faisait apparaître des énergies infinies et autres joyeusetés. Et puis, à la fin du 19e siècle, paf, il y a Boltzmann qui dit « Eh ben, je te la prouve si les états d'énergie sont quantifiés. » C'est-à-dire si l'énergie peut pas prendre toutes les valeurs, mais seulement certaines valeurs bien précises. Et donc là, bam, ça marche bien, mais ça casse la physique classique et la physique quantique arrive. Mais on va pas parler de ça ce soir. Donc là, voilà, je voulais vous parler de cette loi du corps noir. Mettons que quelqu'un sache la prouver, mais ce n'est pas important ici. Cette loi du corps noir, c'est donc le niveau d'énergie d'émission en fonction de la couleur. Donc, ça a une belle forme en cloche. Donc, ça commence avec très très peu d'émission, voilà, à une certaine couleur. Et puis, ça réaugmente, ça réaugmente, ça réaugmente. Il y a un pic d'émission à une couleur particulière. Et puis, après, du coup, ça rediminue, voilà. Et avec, à un moment, ça rediminue jusqu'à un minimum, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'émission de l'autre côté, voilà. Et donc ça dit que tous les objets de ce type-là, en fait, ou tous les objets qui émettent suffisamment, ont tendance à émettre de cette façon-là. Et la beauté de cette fonction, c'est que le pic d'émission et la largeur d'émission, en fait, dépendent uniquement de la température. Ça dépend pas du matériau, ça dépend pas d'autre chose que vraiment seulement la température de l'objet. Donc en gros, si vous avez un objet à une température donnée, vous savez exactement comment cet objet émet de la lumière en fonction de la couleur. Prenons par exemple un métal, échauffons-le. Quand il est à température ambiante, donc 20 degrés, il émet, bien sûr, il émet dans l'infrarouge. Donc on a l'impression que nous, qu'il n'émet pas de lumière, parce que notre œil, il a une toute petite fenêtre, une toute petite bande de vision, et qui ne couvre pas l'infrarouge, mais en fait, il émet. Donc c'est d'ailleurs aussi le cas, comme bah, nous, on est à peu près à la même température qu'un métal, à température ambiante, voilà, autour de quelques 37 degrés, donc un métal est sans doute un peu plus froid, 20 degrés, etc. Donc en fait, on ne se voit pas, mais on émet aussi dans l'infrarouge. Le problème, c'est que notre pic d'émission émet des photons qui sont 20 fois moins énergétiques que ce qu'il faudrait pour qu'on puisse le voir avec nos yeux. C'est pour ça que si vous avez des lunettes infrarouges, vous allez pouvoir commencer à pouvoir observer les gens autour de vous de nuit, par exemple. C'est ce qu'utilisent les militaires dans les films de Van Damme. Mais revenons à notre métal. Si on continue à le chauffer, le pic d'émission commence avec des photons de plus en plus énergétiques. Et au bout d'un moment, en fait, on va avoir le bord de la courbe en cloche qui va commencer à arriver dans notre petite fenêtre de vision. Et là, ce qu'on va voir, c'est que le métal commence à émettre de la lumière. Alors, il en émettait déjà avant, c'est juste que maintenant, on va commencer à voir qu'il émet de la lumière, parce que ça rentre dans notre champ de vision, dans notre petite fenêtre. Donc là, ça commence à émettre de la lumière, très peu énergétique, donc ça va être en rouge, un rouge assez sombre. Ça commence à être perceptible vers 700 degrés. On continue à chauffer. Il devient de plus en plus brillant parce que le maximum de luminosité du métal se rapproche de notre petite fenêtre. Donc on commence à avoir du rouge, puis après, du coup, le rouge et le jaune se mélangent. Et donc on va avoir un métal qui va apparaître orange. Puis l'on chauffe encore, et là, du coup, va y avoir du vert, du jaune et du rouge qui se mélangent. Et on a l'impression que le métal devient jaune. À un moment donné, donc le maximum d'émission est exactement dans notre petite fenêtre, boum, et là du coup toutes les couleurs se mélangent, et là on a l'impression de voir du blanc. C'est exactement ce qu'on appelle un métal chauffé à blanc. Donc c'est un mélange de toutes les couleurs. Donc la température d'un corps qui émet en plein milieu de notre petite fenêtre, c'est d'environ 5500 degrés, et ça correspond exactement à la température des couches extérieures du Soleil. Ah ben ça, dis donc, ça, quelle chance alors, il se trouve que notre petite fenêtre est exactement centrée sur le maximum d'émissions du soleil. Bah, en fait, non, c'est pas un hasard. Notre œil a évolué pour être très efficace dans l'endroit où le soleil émet le plus de lumière pour bien voir pendant la journée. Voilà. Et donc, notre petite fenêtre de vision est exactement centrée sur le soleil. Et si on continue ? Eh bien, le pic va sortir de notre petite fenêtre dans l'autre direction. Et donc, la lumière, pour un observateur avec une petite fenêtre de couleur qu'est notre œil, ne va voir que la queue de la courbe en cloche, mais qui s'éloigne de plus en plus au-delà. Et donc, bah, elle va devenir de plus en plus bleue, et puis après, au fur et à mesure, de plus en plus violet. Bon. Là, jusqu'à maintenant, je prenais une analogie avec le métal. Le problème, c'est qu'on va, c'est là où notre analogie s'arrête. J'ai été chercher, et le métal le plus, à la plus haute température d'ébullition que j'ai trouvé, c'est le tungstène, qui a une température d'ébullition à 5500 degrés Celsius. Donc là, je dis ébullition, pas fusion. Ça veut dire qu'au-delà de 5500 degrés, votre barre de métal, elle est pas liquide, votre barre de métal devient gazeuse. Voilà. Donc c'est extrêmement chaud, et donc en pratique, on ne peut pas voir de barre de métal que vous pouvez chauffer à bleu. Mais pour les étoiles les plus chaudes de l'univers, ce n'est pas un problème. À partir de 10 000 degrés environ, donc soit deux fois plus chaud que notre Soleil environ, l'étoile devient à peu près bleue pour notre œil. Bellatrix, dont on a parlé au début, a une température d'environ 22 000 degrés, presque 4 fois la température de notre Soleil, et a donc un maximum d'émissions loin dans l'ultraviolet, bien au-delà de notre petite fenêtre. Donc ce qu'on en voit en fait, c'est la partie de la courbe en cloche qui a intersecté notre petite fenêtre, dans les tons, donc dans les derniers tons de l'arc-en-ciel, dans les tons les plus énergétiques de l'atmosphère, les tons bleus et violets. Et on peut se poser la question, quelles sont les étoiles les plus chaudes ? Si toi aussi tu cherches les étoiles les plus chaudes de ta région, appuie sur 1. Certaines étoiles extrêmement massives en fin de vie n'ont plus d'hydrogène à brûler et vont se mettre à brûler très très vite ce qu'il en reste pendant une période très très courte. Pendant ce moment, elles vont être très très chaudes, atteignant des températures de plusieurs centaines de milliers de degrés, plusieurs dizaines de fois la température de notre Soleil. Ces étoiles sont extrêmement lumineuses, mais en ultraviolet. Dans notre petite fenêtre, on ne les voit pas tant que ça, car leur pic d'émission est très très loin en dehors du pic. On les appelle les étoiles de Wolf-Rayet, du nom des deux astronomes de l'Observatoire de Paris qui les ont découvertes au 19e siècle. Elles sont très rares dans notre galaxie parce que c'est des étoiles qui ont tendance à brûler tout feu tout flamme très rapidement et qui vivent très peu de temps. Du coup, il faut observer juste au bon moment pour les avoir. Et on peut aussi parler des étoiles les plus froides. En fait, les étoiles les plus froides, il s'agit des petits avortons d'étoiles, des objets qui sont un peu coincés entre une planète comme Jupiter, mais qui sont pas exactement encore des étoiles qui brûlent très très peu. Elles sont très peu brillantes et très froides, et on l'appelle les naines brunes. Elles sont tellement loin de l'autre côté de notre petite fenêtre, donc tellement loin dans l'infrarouge, qu'on voit juste le bord de cette queue d'émission. Elles apparaissent à peine brunâtres, comme si on les voyait à l'œil nu. C'est pour ça qu'on les appelle les naines brunes. Et bien voilà. Donc on a compris comment les étoiles émettent des couleurs, du rouge à l'orange, au jaune, puis blanc, et puis enfin bleu et violet. Mais alors, c'est le type de la chronique ce soir. Pourquoi est-ce qu'on a sauté le vert ? Il est pourtant en plein milieu de notre arc-en-ciel. Eh ben, en fait, c'est parce que la courbe en cloche du corps noir n'est pas assez fine par rapport à notre petite fenêtre. Elle ne décroît pas assez vite. Imaginez une étoile dont le maximum serait centré sur la couleur verte, en plein milieu de notre petite fenêtre. Eh ben, elle émettrait 15% dans le vert, mais aussi 13% dans le bleu et 13% dans le rouge. Et donc, elle apparaîtrait comme une étoile blanche. Ce qui se rapproche le plus d'une étoile verte, c'est le soleil. La seule façon de voir une étoile de couleur, ça serait une étoile qui est soit extrêmement très très chaude, et dans ce cas-là, on en voit seulement le bord de sa courbe d'émission avec notre petite fenêtre, soit très très très très froide, et dans ce cas-là, on voit l'autre bord de sa courbe d'émission avec notre petite fenêtre en rouge. Pour avoir une étoile verte, il faudrait une courbe en cloche centrée exactement sur le vert, mais qui décroirait très très vite, bien avant de toucher le bleu et le rouge. Mais comme je l'ai dit, la loi d'émission du corps noir ne dépend que d'un seul paramètre, la température. On peut faire donc bouger tous les paramètres de l'univers pour la rendre plus fine, sans changer son maximum d'émission. On peut ainsi prouver qu'il est impossible d'avoir une étoile verte dans tout l'univers. Et donc on enchaîne maintenant sur la chronique qui avait été préenregistrée à l'avance de Eléa sur l'absinthe. « Dans un taudis dont l'amour d'une mère ne peut cacher l'atroce pauvreté, quelques bambins vivent dans la misère d'un peu de soupe et de grands coups de pied. Le père avait pourtant fait des études et aurait pu devenir avocat, mais il a pris une triste habitude, soir et matin, matin et soir il boit. Et quand par hasard il rentre au logis, à sa pauvre femme qui sanglote, il dit: donne-moi de l'absinthe afin que je m'enivre. Donne-moi de l'absinthe sans quoi je ne peux vivre. S'il est une boisson qui nous évoquera bien la couleur verte, c'est sûrement l'absinthe. Cette boisson que l'on surnommait la fée verte a une origine encore débattue, mais un ingrédient incontournable qui a fait son nom. La grande absinthe, Artemisia absinthium. Cette plante de la famille des Astéracées, originaire des régions tempérées d'Europe continentale, d'Asie et d'Afrique du Nord, s'est naturalisée dans de nombreux milieux. Et pour cause, c'est une super plante. Elle s'adapte à la chaleur et au soleil comme aux températures froides, résistant à des hivers jusqu'à moins 20 degrés. On en retrouve des mentions d'usage aussi loin que dans le papyrus d'Ebers, l'un des plus anciens traités médicaux connus qui date du 15e siècle avant Jésus-Christ. La plante était réputée comme vermifuge pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge, et son amertume en faisait un excellent tonique digestif. Comme souvent dans les brillantes découvertes historiques, il y a débat sur l'invention de la première boisson à base d'absinthe distillée, et ce débat oppose, comme souvent, un homme et une femme. Certains attribueraient l'invention de la boisson à Pierre Ordinaire, un médecin et pharmacien français naturalisé suisse. Cela l'aurait sûrement rendu moins ordinaire que son nom de famille, mais malheureusement pour lui, il faut rendre la palme de l'élixir d'absinthe à Henriette Henriot, une herboriste suisse contemporaine de Pierre Ordinaire. La recette a été rachetée par le major Daniel-Henri Dubié, qui, avec son gendre, Henri-Louis Pernaud, ouvre en 1797 la première distillerie d'absinthe. Suite à une querelle familiale, le fils Pernaud monte sa distillerie à Pontarlier, en France, et la marque Pernaud perdure encore actuellement, ayant fusionné en 1975 avec Ricard, la marque du célèbre pastis marseillais. C'est le début d'un succès ouest-européen pour le breuvage vert. À l'origine, l'élixir d'absinthe aurait eu des usages médicinaux, mais très rapidement, on le consomme comme un alcool fin et recherché dans la bourgeoisie française. Dès les années 1840, de nombreux artistes en feront l'apologie dans leurs poèmes, Rimbaud ou Verlaine par exemple. Zola le décrit dans ses ouvrages. La boisson entre dans la littérature, les œuvres d'art et défraie régulièrement la chronique. Lors de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec les procédés d'industrialisation des distilleries, l'introduction d'alcool de moindre qualité et de moindre coût, le tarif de l'absinthe va rapidement devenir accessible à tous. Il n'en fallait pas plus pour que la basse société française se mette à consommer de l'absinthe à tous les repas, avec tous les problèmes qui vont avec. Dès les années 60, les médecins théorisent l'absentisme, un syndrome lié spécifiquement à l'ingestion régulière et abusive d'absinthe. Plus grave encore que l'alcoolisme, la consommation d'absinthe entraînerait des spasmes, des hallucinations, de la folie en plus de l'addiction. Coup du destin pour les producteurs d'absinthe, au même moment, la production viticole française est ravagée par l'arrivée de maladies dévastatrices de la vigne. L'oïdium, ou pourriture blanche, causée par un champignon, et le phylloxéra, maladie provoquée par un insecte appelé Dactylospharia vitifolia. Chose amusante, le phylloxéra est arrivé via les États-Unis après un cadeau empoisonné de vignes américaines infestées par le parasite. Évidemment, personne ne savait ce qui ravageait les vignes à l'époque. Finalement, il s'est avéré que le problème devait devenir la solution, puisque c'est en introduisant des pieds résistants au phylloxéra depuis les États-Unis qu'on sauva la production de vin en France quelques décennies plus tard. C'est assez de temps pour que la consommation d'absinthe en France soit passée de 6713 hectolitres à 310 868 hectolitres par an entre 1873 et 1908. Avec l'appui des corporations du vin qui avaient des parts de marché à récupérer, c'est un véritable travail de décrédibilisation de l'absinthe qui s'engage à la fin du 19e siècle pour protéger les bons citoyens des ravages de l'absinthe. Elle aboutit en 1915 avec son interdiction ferme et définitive en France et en Suisse. Les entreprises Pernaud se reconvertissent par la même occasion en producteurs de pastis. Ce n'est qu'en 1988 que l'absinthe sera réautorisée en France, et ce n'est qu'en 2005 que sa distillation sera réautorisée en Suisse. Pendant cette période, cela n'empêche pas des distillateurs clandestins de continuer à produire de l'absinthe clandestine dans le Val de Travers, bassin d'origine de la liqueur d'absinthe. On peut s'imaginer qu'un ou deux passants n'a pas pu marcher droit dans ce Val suisse qui porte bien son nom. Mais que contient donc l'absinthe pour avoir fait tant de ravages? Eh bien, en majorité, de l'alcool. Avec la multiplication des fabricants d'alcool forts clandestins, on peut présumer qu'une partie des intoxications diverses à la fin du 19e était due au fort degré d'alcool et à la présence régulière de méthanol, un sous-produit toxique des distillations mal réalisées. Ce fort degré alcoolique était justifié par la nécessité de préserver les arômes en suspension dans l'alcool. Plus la liqueur est alcoolique, plus elle est aromatique. Mais aussi par la satisfaction des consommateurs sur la couleur du produit. En effet, la couleur verte vient d'une macération ultérieure de feuilles de petite absinthe ou d'hysope pour en extraire le vert vif de la chlorophylle. Celle-ci est considérée stable lorsque le degré alcoolique dépasse 68 degrés. Sans autant d'alcool, la fée verte n'aurait pas forcément eu sa belle couleur, on ne va pas se mentir. La coloration de l'absinthe à la chlorophylle étant un procédé difficile à maîtriser et coûteux, certains producteurs auraient ajouté des composés toxiques comme le sulfate de cuivre. D'autres additifs comme le chlorure d'antimoine étaient également ajoutés pour permettre à la boisson de se troubler plus facilement, et j'en reparlerai juste après. Dans ces conditions, on peut s'imaginer que certaines marques de cette boisson ne soient pas tip-top pour la santé. L'amertume de l'absinthe est fortement liée à la plante. On trouve certaines mentions d'usage de tisane de feuilles d'absinthe par les nourrices qui s'en enduisaient les tétons et en buvaient pour que leur lait devienne amer et que les enfants acceptent le sevrage. Une toute petite partie de ces composés amers passe la distillation, si bien que l'absinthe n'est pas si amère que ce que l'on pourrait imaginer. En revanche, la grande absinthe n'est pas la seule plante de la recette. Dans la recette, on peut également trouver de la badiane, de l'anis, du fenouil, de la mélisse, de la petite absinthe, Artemisia pontica, dont on fait aussi l'arôme du vermouth, un vin aromatisé, auquel on rajoute de l'eau de vie aromatique. C'est un peu le survivant légal du vin mélangé à l'absinthe, si on regarde. Toutes ces plantes introduisent des composés aromatiques potentiellement toxiques à forte dose. La plus connue est la thuyone, une molécule de la famille des terpénoïdes, connue pour ses effets convulsivants et hallucinogènes. Constituant 50% de l'huile essentielle d'absinthe, on lui attribuait les symptômes de l'absentisme. On trouve aussi la fanchonne dans l'huile essentielle de fenouil qui aurait un effet décontractant. La condition pour réautoriser l'absinthe à la vente était le contrôle de la teneur de ses composés. Les absinthes commercialisées ne doivent donc pas dépasser une certaine teneur de thuyone et de fanchonne. Et actuellement, il faudrait boire plusieurs litres d'absinthe pour vous intoxiquer à cause de ces composés. Des études récentes font tout de même remonter le fait que désormais de nombreux additifs gustatifs synthétiques sont ajoutés dans certaines marques d'absinthe et que l'effet de ces additifs sur la santé n'est toujours pas clair. Alors, comment bien boire son absinthe? C'est l'heure du tutoriel audio pour devenir vous aussi un ivrogne de l'absinthe. Car oui, l'absinthe avec ses plus de 70 degrés d'alcool, souvent, ne se boit pas cul sec comme des sauvages, ça se déguste. Et pour cela, il y a tout un rituel. On sert l'absinthe dans des beaux verres purs. Puis, on doit y faire fondre un sucre sur le dos d'une cuillère spéciale que l'on appelle une pelle, ajourée pour laisser passer le sucre. Le cube de sucre est dissous progressivement grâce à un mince filet d'eau froide et lorsque l'eau sucrée entre en contact avec l'alcool, celui-ci se trouble instantanément. On doit, pour boire l'absinthe, ajouter 3 à 5 fois le volume d'alcool en eau. Alors, est-ce l'arrivée de la fée verte? Est-ce l'effet de la magie du breuvage? Comment se fait-il que ma boisson se trouble déjà alors que je ne l'ai même pas bu? La raison de ce trouble, que les Anglais appellent souvent la louche dans leurs articles sur l'absinthe, ce sont des molécules aromatiques qui arrivent en fin de distillation sous la forme de molécules lipidiques, les huiles essentielles. Comme elles ont une meilleure solubilité dans l'alcool, l'ajout d'eau les chasse de la suspension et les fait précipiter. Lorsqu'on ajoute de l'eau, la molécule d'anéthol, par exemple, se sépare de l'alcool, comme dans le pastis. Et là, vous êtes des experts de la physique et vous me direz, si ce sont des molécules grasses, pourquoi ça ne flotte pas? Puisque l'eau et l'alcool... Et l'huile ne se mélange pas. La raison, c'est que ce type de molécule a une petite tension d'interface, ce qui signifie qu'elles ont plus de mal à se rapprocher et à fusionner l'une à l'autre pour faire une phase homogène. Ça fonctionne avec d'autres alcools, donc le whisky, par exemple, et d'ailleurs, l'ajout d'un petit peu d'eau sous la forme d'un glaçon, si vous le prenez on the rocks, augmente également sa saveur en faisant ressortir les arômes. Même si l'absinthe est bien moins populaire de nos jours, tout ce décorum a contribué à propulser la boisson dans la légende, et il est encore fréquent aujourd'hui qu'on associe l'absinthe à la bohème parisienne et à l'image du poète maudit romantique français. Plus qu'une plante ou qu'une couleur, la fée verte est donc le symbole d'une époque mystifiée dans la littérature comme au cinéma. Je suis sûre que vous avez déjà vu le film du Moulin Rouge. Et moi, j'aime quand les plantes rentrent dans la légende, et c'est pour ça que je voulais vous parler d'absinthe aujourd'hui. Si cette boisson vous intrigue, on retrouve l'absinthe en magasin, et vous pouvez aussi tester le genépi, une boisson d'une belle couleur verte elle aussi, réalisée à partir de plantes de la même famille, même du même genre, qui poussent plutôt en région montagneuse. Artemisia genépi, Artemisia aerianta, Artemisia glacialis sont des espèces utilisées pour faire cette liqueur, aussi bien comme qui est bu aussi bien comme digestif que pour chasser la toux. Vous retrouverez également la chartreuse verte, un mélange jalousement gardé de 130 plantes du bassin de Grenoble. Décidément, les montagnards ont l'air de s'y connaître en distillation. Pour finir, je vous rappelle, chers poditeurs et poditrices, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que, comme tout alcool, mieux vaut consommer l'absinthe avec modération. J'espère que cette petite chronique tout en verdure vous a plu et n'hésitez pas à nous envoyer des petits mots si c'est le cas pour qu'on en fasse d'autres. Pour en savoir plus sur l'absinthe, sachez qu'il y a un musée virtuel de l'absinthe sur internet, un musée de l'absinthe à Auvers-sur-Oise, en France. Tous les liens seront dans le dossier associé à l'épisode. À bientôt. Devenu président des anti-alcooliques, c'est d'un ton repentant qu'au meeting il explique. Méfiez-vous de l'absinthe, c'est un breuvage infâme poids. Méfiez-vous de l'absinthe, à cause bien des drames. Méfiez-vous de l'absinthe, car de vos gais foyers, l'ensorceleuse absinthe ne fera qu'un brasier sauvage. Et souvenez-vous de la conclusion que l'on peut tirer de cette belle tranche de la vie populaire: quand les parents boivent, les enfants trinquent. Et enfin, nous finissons sur les roches vertes, un petit peu de géologie, avec la chronique d'Alexa. C'est à toi. Une météorite, du plancher océanique fossile, ou encore des minéraux rares et magnifiques peuvent tous les trois avoir une couleur verte. Ils sont pourtant très différents. Ces roches ont-elles toutes quelque chose en commun? Ou ces différences peuvent-elles au contraire nous renseigner sur l'histoire de la Terre et de l'univers? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette chronique sur la couleur verte des roches. Alors la couleur des roches va dépendre des minéraux qui la composent. Par exemple, un granit peut présenter des couleurs allant du blanc au rose piqueté de gris et de noir parce qu'il est composé d'un assemblage de minéraux tels que le quartz par exemple, qui est gris et qui ressemble à des cristaux de gros sel, des feldspaths qui peuvent ressembler à de grandes facettes blanches, rosâtres, etc. et de mica de biotite noire par exemple. Donc ça explique finalement cet assemblage de couleurs qu'on retrouve dans le granit. Les basaltes, en tout cas ceux qui sont sombres, parce que tous les basaltes ne sont pas sombres, mais une grande partie sont sombres, possèdent en général une grande quantité de pyroxène noir qui leur donne leur couleur. Si on suit le même raisonnement, une roche verte, qui est donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, sera composée de minéraux majoritairement verts qui lui donneront sa couleur. Et si vous réfléchissez à des roches vertes, vous pensez peut-être en premier lieu aux pierres précieuses comme l'émeraude, même le péridot, ce genre de choses. Mais en fait, on en a bien d'autres et on a beaucoup de minéraux verts qui donnent leur couleur aux roches vertes. Il y a par exemple certaines fluorines ou fluorites qu'on trouve dans des zones montagneuses et qui peuvent même être fluorescentes. On a aussi des schistes verts dont on va parler aujourd'hui, qui peuvent avoir une couleur vert bouteille, vert pâle, à grisâtre due à la présence de minéraux tels que la chlorite et l'actinote qui ont cette couleur. On a certaines roches du manteau qui contiennent de l'olivine vert jaune, des météorites qui en contiennent aussi. Bref, on a plein de différents minéraux, de différentes nuances de vert. Vert émeraude, vert gris, vert jaune, on a donc même au sein du vert toute une palette de couleurs. Et en fait, si on regarde encore plus près, à l'œil nu ou bien au microscope, on se rend compte que ces minéraux ont des formes et des structures très différentes. Alors on peut se demander qu'est-ce qui explique ces différences de couleurs et les minéraux verts ont-ils tous la même composition ou ont-ils des compositions différentes qui pourraient expliquer ces différentes nuances ? Alors oui, en fait, ils sont différents. Et un minéral, vert ou pas d'ailleurs, mais ici on va parler des minéraux verts, se caractérise par, d'abord, sa composition chimique précise. C'est-à-dire sa recette, les atomes ou les ions qui le composent en formule principale, mais aussi, comme on va le voir, à l'état de trace. Et la deuxième chose qui caractérise un minéral, c'est l'agencement de ses atomes en structures cristallines régulières, qui forment des motifs précis, qui dépendent de chaque minéral et qui se traduisent par des cristaux, le plus souvent à l'échelle macroscopique. Alors, on se résume, hein, parce que c'est un peu compliqué. Un minéral se définit par sa composition chimique et l'agencement des atomes et des ions qui le composent, en structure cristalline précise. Alors, si c'est toujours obscur, imaginez les atomes et les ions, vous savez, maintenus entre eux par des réseaux pour former des motifs réguliers, comme les structures atomiques avec lesquelles vous vous amusiez sans doute en physique et en chimie. Vous savez, ces structures avec les boules et les petits liens là de couleurs qui nous permettaient de reconstituer les molécules. Et ben, un minéral, c'est la même chose. C'est l'agencement des atomes, donc de la formule chimique précise du minéral, en un motif précis qui constitue la structure cristalline, qui va constituer la carte d'identité de chaque minéral. Pour vous convaincre de l'importance de la composition et de la structure cristalline dans la couleur des minéraux, on va prendre des exemples. Les grenats, par exemple, sont formés de tétraèdres de SiO4, isolés et organisés en structures tridimensionnelles associées à des ions positifs pour former une structure cristalline précise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez ces tétraèdres de SiO4 qui sont un peu comme des tétraèdres, donc des triangles 3D, qui sont rangés de façon ordonnée les uns par rapport aux autres et maintenus ensemble par des ions positifs. Et en fait, ces ions positifs sont très importants, et la composition est très importante, puisque pour un même motif exactement, la composition des ions positifs va déterminer la couleur de ces grenats. Par exemple, un grenat qui a comme formule principale Fe2Al2SiO4-3, donc avec le tétraèdre du SiO4, mais en plus des ions Fe3+, et Al2+, aura une couleur qui est rouge foncé, et il sera appelé almandin. En revanche, si le fer et l'aluminium sont remplacés par d'autres ions, comme du calcium et du chrome, qui nous arrivent à une formule principale Ca3-Cr2-SiO4-3, pour exactement la même structure, le grenat ne sera plus rouge, mais il sera vert, appelé uvarovite. Alors attention, c'est pas un ion métallique particulier qui définit la couleur d'un minéral. Par exemple, tous les minéraux qui auront du Fe2+ ne seront pas verts, mais c'est bien l'association structure cristalline et composition ensemble qui va donner au minéral sa couleur. Le chrome, comme on l'a vu, donne sa couleur verte au grenat. On a du Ca3, Cr2, SiO4-3. Mais la présence de chrome dans une autre structure cristalline peut donner une couleur rouge. Par exemple, le rubis, la couleur rouge du rubis est due au chrome qui possède une structure cristalline différente. Et donc, dans cette structure cristalline, la présence de chrome donne une couleur rouge. Il faudra vraiment bien donc garder en tête ces deux aspects essentiels pour comprendre la couleur des minéraux, et la couleur verte en particulier, leur composition et leur structure. Et c'est cette combinaison des deux qui donne cette palette de couleurs incroyable qu'on peut voir dans la nature. Pour compliquer encore la question, parce que rien n'est jamais simple, on va maintenant rajouter les éléments traces, à savoir ceux qui ne font pas partie de la formule principale, comme les formules que je vous ai citées plus haut, mais qui sont présents en très petite quantité et qui peuvent eux aussi influencer la couleur de certains minéraux d'autres minéraux. Les fluorines, par exemple, ou fluorides dont j'ai déjà parlé, en sont un très bon exemple. Leur formule principale, c'est CaF2, et elles sont normalement translucides et incolores. Pourtant, on en trouve souvent de couleurs, de plein de couleurs vertes qui sont absolument magnifiques, mais aussi des roses comme par chez moi, à Chamonix par exemple, des violettes, des bleus, voire des jaunes. Et cette couleur qu'on trouve ici ne dépend pas de la formule principale, mais correspond d'autres éléments qui sont présents en quantité absolument infime. On parle d'éléments traces qui sont en toute petite quantité. Et la couleur verte, notamment, peut être donnée par des ions yttrium ou cerium ou bien du samarium. Donc en fonction de ces éléments traces que vous aurez, vous allez colorer ici votre fluorine. Et si vous en voulez encore, sachez que d'autres éléments interviennent pour expliquer la couleur des roches. On va pas rentrer dans les détails parce que ce serait vraiment compliqué. La diffusion de la lumière, elle peut être liée, qui est liée à la structure cristalline. Les opales, par exemple, sont constituées d'une variété de silices qui créent des motifs irisés en diffractant la lumière, mais on a aussi des phénomènes de diffusion dans d'autres cristaux qui interviennent. On peut dépendre de l'état d'oxydoréduction de la roche, bien sûr, mais bon, on pourrait y passer des heures. Ce qu'on peut retenir de tout ça néanmoins, c'est que la couleur des minéraux et la couleur verte, par exemple ici, qui nous intéresse, telle qu'on la perçoit, est un mélange complexe qui est lié à la fois à la composition du minéral, mais aussi à sa structure et à ses propriétés physico-chimiques de l'ensemble. Alors c'est très intéressant tout ça, mais connaître la composition des minéraux, et en particulier aujourd'hui des minéraux verts et de leur agencement, qu'est-ce que ça nous apporte ? Alors outre la jouissance nerdesque de comprendre la structure de ce qui nous entoure, qui personnellement me ravit, connaître la formule et la structure des minéraux nous renseigne sur leurs conditions de formation. Pourquoi ? Parce que les minéraux d'un certain type ne se forment que dans des conditions de température et de pression précises. Et en fait, on pourrait même rajouter ça à leur carte d'identité avec la composition et la structure cristalline. Les conditions de pression et de température sont extrêmement importantes. Elles déterminent les domaines de stabilité des minéraux et de leur formation. Du coup, comprendre les minéraux et comment la roche qui les contient se forme nous permet de comprendre d'où elle vient. Mais les minéraux ne sont pas toujours immuables et certains sont issus de l'altération d'autres minéraux qui se sont retrouvés dans des conditions de pression et température différentes ou alors parce qu'ils ont été altérés ou au contact de fluides de l'eau par exemple et ils peuvent réagir par réaction chimique pour en former d'autres. Du coup, ces minéraux-là, issus du métamorphisme ou de l'altération, nous renseignerons, et qui peuvent être verts aussi d'ailleurs, nous renseignerons sur les changements de conditions que la roche a rencontrés dans son histoire et ils seront donc d'autres précieuses archives des événements du passé. Les minéraux, en fait, sont donc de formidables outils pour remonter le temps et utiliser les roches, si les roches vertes, comme témoins ou archives des phénomènes géologiques qu'elles ont traversés et donc de l'histoire de la Terre et de l'univers. Et justement, certaines des roches vertes ont beaucoup de choses à nous raconter. On va commencer par les péridotites de type lherzolite, qui sont des roches globalement vertes car elles sont composées de 40 à 90% d'olivine, ce qui leur confère cette couleur vert-jaune très jolie qu'on retrouve donc chez ces roches, qui peut être aussi due à quelques pyroxènes qui peuvent être de brun à vert émeraude. Elles contiennent aussi quelques grenats. On sait, de par leur composition et leurs conditions de formation et les minéraux qui les composent, que ces roches se forment en profondeur, à forte pression et forte température, et qu'elles constituent d'ailleurs la majeure partie du manteau supérieur de la Terre. Mais pourtant, si vous allez vous balader en montagne, dans le massif de l'Hers, en France, dans les Pyrénées, vous trouverez de la lherzolite, donc qui est cette péridotite particulière, et qui tient d'ailleurs son nom de cette localité, un massif de l'Hers, lherzolite, c'est là qu'on l'a caractérisée. Bref, vous la trouverez dans les Pyrénées avec de l'olivine verte mantélique, et en altitude. Alors, pourquoi ces roches du manteau, qui se sont formées il y a 2 milliards d'années dans le manteau terrestre, a priori, se trouvent-elles en surface ? Eh ben, on peut le comprendre si on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Si on remonte au Crétacé, il y a 95 millions d'années, la plaque sur laquelle se trouve l'actuelle Espagne, qui était la plaque qu'on appelait ibérique, coulissait et s'écartait de l'autre plaque eurasienne où se trouvait la France. Exactement au niveau actuel, au niveau des actuelles Pyrénées. Et les mouvements tectoniques de l'époque étaient en fait ce coulissement et s'écartement faisaient s'écarter les deux plaques. Et pensez à une plaque de pâte à modeler, si vous écartez, si vous faites un mouvement d'étirement, vous allez l'amincir. Et en amincissant la croûte terrestre à cet endroit, parce que ces deux plaques s'écartaient, on a initié en fait un rifting à ce niveau-là qui a fait remonter par compensation de la matière des profondeurs de la Terre et ici du manteau. Ce manteau qui contenait nos fameuses péridotites. Un peu plus tard, à la fin du Crétacé, les mouvements tectoniques se sont inversés, c'est-à-dire au lieu de s'étirer, au lieu de s'écarter, ce qui avait fait remonter les péridotites, les deux plaques se sont rapprochées. Et en se rapprochant, l'Espagne actuelle, la plaque ibérique, est entrée en collision avec la plaque eurasienne, ce qui a formé les Pyrénées, mais ce qui a aussi, au passage, soulevé nos péridotites vertes du manteau en hauteur. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver en moyenne montagne, avec des affleurements de roches mantéliques en altitude, elles correspondent à des roches profondes qui sont remontées, qui ont été soulevées ensuite dans les mouvements tectoniques. Et pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est nos minéraux verts, vous pouvez voir comment ces roches vertes mantéliques, qui n'auraient jamais dû se trouver là, ou en tout cas qui ne se sont pas formées à cet endroit-là, ont été un indice, une archive majeure pour comprendre l'histoire de formation des Pyrénées, notamment ces phénomènes d'extension, de remontée mantélique, etc., et même l'histoire géologique de la région. Cet exemple nous montre comment comprendre comment se forment les minéraux, où ils se forment, leur structure, etc., etc., nous permet d'utiliser ces témoins pour finalement mieux comprendre l'histoire de la Terre. Et pour ce qui est de l'Erz, finalement, on a la chance en France d'avoir un morceau de manteau terrestre, ce qui n'est pas rien, puisque les forages n'excèdent pas 10 km, donc on n'a pas du tout accès à ça. Donc finalement, grâce à ça et grâce à cet affleurement, n'hésitez pas à y aller si vous voulez voir un morceau de manteau terrestre, on a la possibilité d'en voir un en France. Alors, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit un peu plus haut, les minéraux peuvent aussi se former en se transformant à partir d'autres minéraux, de minéraux déjà existants par altération, ou parce que les conditions de pression et de température changent, ou parce qu'ils sont en contact, par exemple, de l'eau. Ces nouveaux minéraux au sein d'une roche existante peuvent nous renseigner donc cette fois sur les conditions qui ont affecté cette roche. Il en existe des vers, évidemment. Et pour mieux comprendre comment tout ça se passe, on va utiliser l'exemple des schistes verts des zones de subduction pour comprendre en quoi ils nous renseignent aussi sur l'histoire de la Terre. Si on regarde les minéraux verts qui leur donnent leur nom aux schistes verts, on se rend compte qu'il s'agit de chlorite et parfois d'actinote, deux minéraux qui sont issus de la transformation par hydratation à basse pression et à basse température de minéraux présents dans le gabbro puis le métagabbro. Comment expliquer cette transformation? Elle s'explique par le fait que la roche, à l'origine des schistes verts, le gabbro, s'est formée au niveau des dorsales océaniques, là où la croûte océanique se forme. Vous savez, ce sont ces dorsales qu'on trouve au milieu des océans, par exemple au milieu de l'Atlantique, qui produisent du basalte, du gabbro, etc., du matériel volcanique. Et au fur et à mesure qu'on produit du nouveau matériel, ce nouveau matériel va pousser de part et d'autre de la dorsale le matériel plus ancien, ici, pour ce qui nous intéresse, les gabbros. Ces gabbros, au fur et à mesure qu'ils s'écartent de la dorsale, ils ont des sédiments qui vont se déposer dessus, ils vont s'hydrater aussi et vont devenir de plus en plus lourds et s'enfoncer petit à petit un peu plus profond. Et donc plus on est loin de la dorsale, plus ils seront en contact de l'eau et plus ils auront des conditions de température et de pression qui restent des conditions basse pression, basse température, mais qui augmentent quand même un peu. Et à partir d'un certain type de conditions de température et de pression, qui restent toujours faible pression et basse température, certains minéraux des gabbros, notamment les plagioclases et les pyroxènes, vont réagir avec l'eau pour former des amphiboles qui vont elles-mêmes réagir ensuite avec les plagioclases et de l'eau pour former de l'actinote et de la chlorite, nos minéraux verts caractéristiques de ce qu'on appelle le faciès schiste vert, de ces schistes verts. Et lorsque ces roches sont très éloignées de la dorsale, la plaque océanique, devenue lourde et hydratée, peut plonger sous la plaque continentale plus légère qu'elle rencontre, qu'elle a en face, ou alors une autre plaque océanique plus jeune qui lui fait face. Elle entre alors en subduction, et ces schistes verts eux-mêmes ne vont être que transitoires, puisque eux-mêmes vont pouvoir être transformés en schistes bleus, donc on a des minéraux bleus qui vont apparaître, puis en éclogite au fur et à mesure que la plaque s'enfonce, que la pression et la température augmentent et que la plaque, dans ce cas-là, se déshydrate. Donc les schistes verts et leurs minéraux verts seront de véritables archives des roches du plancher océanique et de ce moment où le gabbro s'est transformé en métagabbro puis en schiste vert, juste avant que la plaque plonge vraiment en subduction et que ces schistes verts se transforment en schiste bleu et puis en éclogite. Donc retrouver des schistes verts quelque part aujourd'hui, finalement, c'est un peu un témoin d'un plancher océanique qui est entré en subduction, et en tout cas de certaines frontières de plaques à l'endroit où une subduction pouvait s'initier si on se trouvait dans un endroit de plancher océanique. Mais si leur destin, finalement, est d'être transformé à leur tour, pourquoi les retrouve-t-on? Puisque, finalement, c'est tout ce que je vous ai raconté là, on a des schistes verts qui se transforment en schistes bleus. Parce que, comme pour le manteau tout à l'heure, il arrive parfois que des parties d'océan qui étaient en subduction se retrouvent, à la suite de mouvements tectoniques, surtout si on a une chaîne de montagnes qui se forme après, charriées en hauteur. Et du coup, on peut en retrouver, et comme je l'ai dit, en retrouver permet de reconstituer l'existence de paléo-océans, de paléo-zones de subduction passées, et de resituer, plus important, les anciennes limites de plaques. Ce qui veut dire qu'en fait, si on retrouve des schistes verts aujourd'hui, surtout s'ils sont accompagnés de schistes bleus et d'éclogites, qui sont les formes plus avancées de subduction, on va pouvoir reconstituer ces anciennes limites de plaques et ces anciennes zones de subduction. Et ça, on en retrouve dans plusieurs endroits dans le monde, par exemple en France, à l'île de Groix, on retrouve des schistes verts et des schistes bleus, qui sont un vestige de la zone de subduction d'un océan ancien qui s'appelait Galice, sous un micro-continent qui contenait le massif central il y a 400 millions d'années, donc c'est très très ancien. Et c'est d'ailleurs à peu près contemporain, enfin un peu avant, la gigantesque chaîne de montagnes hercyniennes ou varisques qui se retrouvait sur l'actuelle Bretagne, qui allait même jusqu'au Caucase, et qui témoigne des mouvements de continents de l'époque qui permet de reconstituer finalement les continents tels qu'ils étaient à l'époque et les limites des plaques de l'époque. Vous retrouvez aussi le même type de schiste au niveau de l'île de Catalina en Californie, à côté de Los Angeles, qui correspond à des événements beaucoup plus récents, puisque c'est Crétacé, c'est la centaine de millions d'années, c'est à peu près un peu au temps des dinosaures, si vous voulez, où on a aussi une plaque océanique qui plonge sous une plaque continentale, ce qui est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Et on a ainsi un témoin, encore une fois, d'une zone de subduction, d'une zone de limite de plaque qui existait dans le passé. Ainsi, étudier la transformation de minéraux en certains autres minéraux qui peuvent être ici verts nous témoigne de l'évolution d'un certain type de roche au cours des temps géologiques et nous permet de reconstituer là encore des événements de passé, ici des limites de plaques, et à plus grande échelle des événements du passé de la Terre. Pour finir, j'aimerais vous parler encore d'olivine jaune verte, mais en sortant de la Terre cette fois, pour aller au-delà de la Terre, puisqu'on va parler de météorites. Et pas des moindres, en fait, on va parler des palazites, ces météorites absolument magnifiques formées de cristaux d'olivine vert jaune dans une matrice de fer nickel. Si vous n'en avez jamais vu, on vous mettra une image en note d'émission, ou alors je vous invite à en aller voir sur internet, en particulier celles qui sont traversées par des rayons de lumière. J'ai pu en voir une que j'ai offerte à quelqu'un de très très cher, et n'hésitez pas à en voir une si vous en avez l'occasion. C'est vraiment très particulier, à la fois géologiquement et esthétiquement. Mais bon, au-delà de cet aspect magnifique et esthétique, ces météorites jaune-vert et argentées ne sont pas seulement très belles, mais elles nous racontent une histoire. La question qu'on peut se poser, c'est comment on arrive à avoir ces météorites? Parce que où trouve-t-on à la fois de l'olivine, qui, comme on le sait, est présente en grande quantité dans le manteau de la Terre, et du fer nickel, qui pourrait provenir d'une matrice liquide, qui permettrait d'expliquer comment les cristaux d'olivine se retrouvent un peu dans cette matrice de fer nickel. Eh ben, l'endroit où on retrouve ça, en fait, on en connaît un, sur Terre, ou plutôt dans les profondeurs de la Terre, à l'interface noyau-manteau. Le manteau a des olivines présentes en grande quantité et le noyau externe est liquide avec un alliage de fer nickel. Du coup, si on se trouve à la limite noyau-manteau, on pourrait très bien avoir de l'olivine qui peut se retrouver en contact avec une matrice de fer nickel. Et en fait, ce qu'on pense, on pense que l'origine de ces météorites pourrait provenir de fragments de l'interface noyau-manteau, non pas de la Terre, mais d'astéroïdes qui se seraient morcelés avant d'arriver sur Terre. Et ces morceaux qu'on retrouve, assez rares, en fait, ces météorites sont très rares, sont des morceaux de cette interface noyau-manteau qu'on retrouvait dans ces astéroïdes. On a d'autres hypothèses depuis, alors récentes, mais qui sont assez minoritaires, qui proposent qu'elles auraient aussi pu être formées au moment d'impact, mais en tout cas, à ma connaissance, l'hypothèse majoritaire, c'est vraiment que ces météorites nous renseignent sur ces limites noyaux-manteaux de la Terre, mais aussi, du coup, d'astéroïdes et de météorites telluriques, ou d'autres planètes telluriques, en tout cas semblables à la Terre. En tout cas, elles constituent un exemple de minéraux verts, qui nous vient du système solaire et qui peuvent aussi nous raconter l'histoire de la Terre, mais aussi des astéroïdes et d'autres corps célestes, et donc nous raconter une histoire au-delà même de la Terre, l'histoire du système solaire. On aurait encore plein d'exemples à raconter sur les minéraux verts, et même sur d'autres minéraux d'ailleurs, et c'est en fait passionnant et ça n'a pas de fin. Mais cette chronique est déjà assez longue, j'espère que je vous ai convaincu qu'étudier les minéraux, ici les minéraux verts, est riche d'enseignements, et que comprendre leur composition et leur transformation nous amène bien au-delà de la pure connaissance physico-chimique de leur composition. Au-delà même de la géologie, les minéraux verts et les roches dont ils font partie sont beaux. La fluorite, les olivines et les palazites, l'émeraude, des gens passent, sont absolument magnifiques, et peut-être que le message à retenir ici aussi, c'est qu'ils nous permettent de nous émerveiller sur la beauté de ce qui nous entoure, au-delà même de la beauté de la connaissance académique qu'ils nous apportent. Ce qui fait qu'on arrive tout d'abord vers la quote, la fameuse citation de l'émission que je vous ai trouvée et que je trouve fort à propos. C'est une citation de Goethe qui nous dit « Toute théorie est grise, mais vert florissant est l'arbre de la vie ». Ça va? Pas trop vert pour que ce soit déjà terminé cette émission? Si ça vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce vert, enfin bleu, enfin le feu vert pour qu'on continue nos élucubrations, quoi. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, sans oublier que servir la science est votre joie.